التاسير الدرس التاسع le neuvième cours عاشر الدرس العاشر le dixième cours et tout cela tu peux le remplir pour plein de choses tu vois par exemple tu dis qui est le dixième homme à être entré tu veux dire man rajul al ashir allazi dakhal par exemple c'est juste pas c'est pas que avec le dakhal seulement là c'est en guise d'exemple seulement tu vois ce que je veux dire donc le premier c'est à dire comme ça l'awwal le deuxième sani ainsi de suite et ça c'est muzakka muannas viendra après c'est simple muannas c'est juste tu mets un thème important à part l'awwal l'awwal il est différent. Je te dis maintenant. Al-awwalu muannathu al-oula. Vous voyez al-oula. Kafikul ta'ala. C'est déjà kum wa'du oula huma. Si il vous vient le premier des deux rendez-vous, ou des deux promesses. Oula huma. La première des deux. Takul al-talibu al-awwal wa talibatu al-oula. Vous voyez. Et les autres, tu veux juste par le bouton. Al-thaniya. Al-thalitha. الرابعه الخامسه طيب ainsi de suite طيب يقول انعت الاسماء الاتيه بعدد التربيعي المشتق من الاعداد المذكور امام كل واحد منها donc il veut que tu mettes de en tant que nart طيب le chiffre qui est entre parenthèses tu l'écris comme ce qui était cité dans le tableau au-dessus. Tartibi. Tu dis tarbi. Ah, tartibi, non. Tu dis quoi, moi tarbi. Tartibi, non. Ordonné, non. Taïeb. Tfaddal. Al-Yom, entre parenthèses, il a mis 8. Qu'est-ce que tu appelles Al-Yom al-Thamin. Non. Al-Sana, entre parenthèses, il a mis 4. Al-Sana. Al-Rabi'a. Al-Talib, entre parenthèses, il a mis 3. Al-Talibu, Al-Thalid. Hein? Al-Thalidu. Thalithu, nam. Al-Taliba, entre parenthèses, il a mis 6. Al-Taliba, Al-Sadisa. Al-Sadisa. Al-Dars, entre parenthèses, il a mis 10. Al-Darsu, Al-Ashir. Al-Baytu, entre parenthèses, il a mis 7. Al-Baytu, Al-Sabi'a. Al-Safha, entre parenthèses, il a mis 9. Al-Safha, Al-Tasira. Al-Ghulfa, entre parenthèses, 5. Al-Ghulfa, Al-Khamisa. Al-Juz, entre parenthèses, 1. Al-Juz, Al-Awwal. Non. Al-Juz, entre parenthèses, il a mis 2. Al-Juz, Al-Thani. Al-Juz, Al-Thani. Taïeb, on a ma forme. Taïeb, maintenant, il va quoi? T'apprendre à utiliser la... Quand est-ce qu'on utilise Bala? Bala est un harf jawab comme Naam, ou La, ou Ajal, ou ainsi de suite. Et Bala, ça veut dire si, ou en effet. Ça va être une question, d'une négation, dont la réponse sera une affirmation. Par exemple, tu diras, n'es-tu pas, par exemple, du Maroc? Est-ce que tu vas dire oui? Tu vas dire si? Ou tu veux dire en effet. Ben c'est pareil. En arabe, tu veux dire belle. Tu ne veux pas dire ma'am. Tu peux dire là, pour dire non. Mais si tu veux affirmer, tu vas dire belle. Tu ne vas pas dire, vous voyez, tu ne vas pas dire oui. Kafikul ta'ala, alestu bi rabbikum, qalu belle. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils dirent si. Vous voyez? Donc, comme je t'ai dit, ça vient comme réponse d'une question. Basé sur une négation, mais dont on veut une affirmation en fait à la base. Par exemple, tu dis Anta, Anta Kamis Romadi, tu as Kamis gris. Elle est sakazalika, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Bala. Bala, alors oui. Alesta Yumtaza Widjin? Bala. Bala, ayo. طيب فالان يدون دي كيستيون اي تو تي بي ريبون انا اقول انت من الهندي اليس كذلك وازي دي بلى

Et quand tu veux comprendre les choses, tu vas dire par exemple, Mohammedun Asraru Min Ahmed. Tu vas utiliser Min. Ou si tu veux mettre un par rapport à une catégorie, par exemple, tu veux dire le plus petit étudiant, tu vas dire Asraru Talibin. Ainsi de suite. On a pris également deux sortes de Inna. On a pris. Ka'anna, c'est-à-dire harf tashbih, qui veut dire comme si. Et on a pris également la kinna, harf istidrak, qui veut dire cependant. On a pris également le hadad de ahada ashar illa ishrin. Voyez. Et on a dit que c'est un tamiz, mufrad, mansub, nakira. Également, on a pris comment mettre les nombres en nom. Enfin, qui deviennent des adjectifs, مثلاً, le premier, on va dire l'awwal, deuxième, thani, troisième, thalith, ainsi de suite. On a pris donc bala, qui veut dire si, en effet, pour une question négative, dont on veut une réponse affirmative. Voilà, kada. Anaxwell ? Oui. Manaxwell, mais c'est kazaïlik ? بلى فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.